Tous les enfants d'école du dimanche ont entendu souvent l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais ceci n'est pas l'histoire d'Ananias et Saphira. Ce n'est pas eux le point central de notre histoire. Le point central de notre histoire, c'est le Saint-Esprit qui utilise les apôtres dans le quotidien de l'Église. Donc, ils avaient demandé de l'assurance et que Dieu fasse des miracles. Donc, c'est ce qu'ils font. Au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Donc ici, il y a deux façons de voir, il y a deux positions parmi les croyants, en général. C'est qu'ils rendaient témoignage avec beaucoup de force par la prédication, ou ils rendaient témoignage par beaucoup de force en faisant des miracles, qui rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Je crois que rendre témoignage, c'est parler du Seigneur Jésus pour eux, et ne pas le démontrer par des actes. Ça n'a pas une aussi grande force. Donc, moi, je crois personnellement qu'il parle ici, qu'il rendait beaucoup de force par des miracles qu'il faisait. Et là, il va en montrer un miracle. Il va en parler d'un. Celle qui s'est passée avec Ananias et Saphira. Comme on a vu au chapitre 2, ils avaient tout en commun. Ils vivaient ensemble. Pour cette période, ces premières années de la vie de l'Église, ils ont vécu ensemble, alentour des apôtres. Parce que s'ils s'éloignaient des apôtres, il n'y avait plus d'enseignement. C'était eux la source de l'enseignement. C'est eux qui avaient vécu avec le Seigneur Jésus. C'est eux qui avaient eu la mission de mettre les fondements de l'Église doctrinalement parlant. C'est eux qui avaient eu la mission de donner confirmation par les miracles de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils voulaient rester à l'entour. C'est ce qu'on faisait. Donc, on vendait nos biens, on vendait des champs, on vendait des maisons, on vendait notre deuxième char, on vendait notre deuxième télévision, notre troisième télévision, et là, et peut-être si on avait un REER, on en vendait un, puis on en donnait. Joke. Mais on vous comprenez ce qui se passe ici. On vend ce qu'on a de surplus. On ne se met pas dans la misère. On vend ce qu'on a de surplus et on aide les frères et sœurs qui sont alentour pendant ce temps-là. Et ceux qui étaient pauvres, eh bien, on les aidait aussi. Et donc, il nous donne l'exemple d'un homme qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas vend un champ et amène l'argent et le dépose au pied des apôtres. Enfin, de rencontrer les besoins de ceux qui sont dans l'assemblée. Pas de problème. Mais là, on donne l'exemple d'un deuxième homme et femme, Ananias et Saphira. Eux autres, ils vont vendre, eux autres aussi, un champ. Et, pas un champ, excusez, une propriété. C'est peut-être un champ. Et là, ils décident de le vendre, mais ils décident d'en garder une partie pour eux. Ils ont vendu peut-être 1000 pièces, mettons, et ils ont gardé 200 pièces pour leurs besoins personnels, et ils vont donner le 800 pièces aux apôtres. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'ils ont vendu 800 pièces. Les raisons que dans le cœur, si c'était moi qui l'avais faite, comme je me connais, c'était pour bien paraître. Pour faire comme les autres, peut-être, qui avaient fait la même chose, comme Barnabas, peut-être, qui avait tout donné l'argent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce que Pierre va faire. Comment Pierre sait-il cela? Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit, pourquoi t'as menti au Saint-Esprit? T'as menti à Dieu? Comment as-tu mis dans un tel dessein dans ton cœur? Il dit, si Tu voulais le garder, la propriété. Tu aurais dû la garder, personne t'en aurait voulu. Si tu voulais garder une partie de l'argent, personne ne t'aurait voulu. Tu avais le droit de faire ce que tu veux avec, ton argent. Personne ne t'oblige. Dieu ne t'oblige pas. Tu n'aurais pas eu moins de bénédiction à cause de ça. Mais peut-être qu'il pensait, lui, qu'il aurait moins de bénédiction et moins de prestige. Mais il dit, à cause de cela, tu vas mourir. Il tomba mort. Wow! Ce n'est pas par sa puissance qu'il a fait cela. Ça, c'est un miracle qui s'est passé là. Autant c'est un miracle de ressusciter un mort, autant c'est un miracle de prendre un vivant et de le faire mourir. Et pas longtemps après, sa femme rentre et lui demande, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu votre propriété? Elle dit, ben oui, c'est à ce prix-là. Il dit, toi aussi, t'es de manigance avec ton mari. Il dit, ils ont enterré ton mari. Maintenant, ils vont t'enterrer toi aussi. Et en entendant ces paroles, il expira. Ce qu'on apprend, premièrement, c'est que tu vis ta vie chrétienne devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que Dieu, c'est toute chose. Cet esprit, c'est toute chose. Ce qu'on apprend aussi, c'est que l'autorité dans l'Église, c'était les apôtres. Dieu se servait des apôtres comme autorité, pour montrer sa volonté, pour montrer son plein, pour monter sa souveraineté sur ce qui se passait. Qu'est-ce que ça le produit dans l'Église? Une grande crainte de Dieu. Une crainte aussi des apôtres. Tu ne peux pas jouer avec les apôtres. Ça, c'est la crainte qui s'est emparée de tous les auditeurs, de tous ceux qui étaient là. Mais un verset plus loin, ils disent que même les gens du dehors ont eu une grande crainte. Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, on ne rentrait pas dans l'Église pour faire les faux-nés, pour faire du fun. On ne rentrait pas dans l'Église parce que maman rentrait, parce que papa rentrait. On ne rentrait pas dans l'Église parce que le mari rentrait, ou la femme rentrait, ou parce que les parents étaient dedans. On n'allait pas dans l'Église juste pour faire semblant. Parce que ceux qui font semblant, ceux qui ne sont pas sincères, Dieu, c'est toute chose. Attention aussi, il n'est pas en train de dire que tous ceux qui vont être des hypocrites vont tomber morts. Il y en a, on voit ça dans 1 Corinthiens, il y en a qui prenaient le repas du Seigneur indignement, ils sont morts. Mais ils ne sont pas tous morts, ceux qui ont pris indignement le repas du Seigneur. Et Dieu est en train de dire, attention, je suis au contrôle, je sais ce qui se passe dans l'Église. C'est moi qui bâtis l'Église. Quelle autorité les apôtres viennent de gagner, là? Une grande autorité. Théophile, tu peux regarder comme étant certain ce que tu as entendu. Parce que les apôtres étaient guidés par Dieu. Utilisé de Dieu, utilisé par le Saint-Esprit pour mettre en place l'Église et l'enseignement. Nous avons pris notre décision de se convertir devant Dieu, non pas devant les hommes. Nous vivons notre vie chrétienne, non pas devant les hommes, premièrement, mais devant Dieu. Si tous les chrétiens qui ont vécu de l'hypocrisie, si tous les chrétiens qui ont chanté sans penser ou pour être vus, tous ceux qui ont servi Dieu dans l'Église pour être vus, tous les pasteurs, moi le premier, qui bien des fois avons fait des choses pour être vus des hommes, pour être vus de l'Assemblée, On serait tous morts. Ce n'est pas le but ici. Ce n'est pas en train de dire, voici ce qui va arriver à tout le monde. Mais le but, c'était de démontrer que Dieu sait ce qui se passe. Et que l'Église se bâtissait selon les principes de Dieu, dirigés par Dieu, orchestrés par Dieu. Et ceux qui ne sont pas des vrais, ceux qui n'ont pas fait une vraie profession de foi, ceux qui n'ont pas repenti vraiment, ceux qui n'ont pas cru vraiment, ils ne sont pas des croyants. Peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur des hommes. Et les vrais croyants, lui, il les connaît. Les faux, il les connaît aussi. S'ils ne tombent pas morts aujourd'hui, ils vont tomber morts plus tard. Ils ne pourront pas mentir à Dieu. Il rendait fortement témoignage de la résurrection de Jésus. Puis on va voir que ça va continuer demain. Notre Père du ciel, nous voyons aussi ta souveraineté, nous voyons aussi ta sainteté, nous voyons aussi à quel point que c'est toi qui contrôles ton Église et non pas les hommes. Pierre était juste un instrument, rien de plus. Nous pouvons mentir aux hommes, mais pas à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre notre vie chrétienne devant toi et non pas devant les hommes. Seigneur, me dis de nous donner encore une conviction encore plus profonde que ce que les apôtres ont écrit et ont enseigné, c'était vrai. C'est au nom de Jésus que nous te prions.